jeudi pour la dernière d'Assemblage requis version quotidienne. On rend hommage à nos chroniqueurs de la session avec non pas un bien cuit, mais un très cru. Et on vous donne enfin des détails exclusifs sur l'avenir d'Assemblage requis. Ne manquez pas l'émission du retour en pièces détachées, jeudi, 15h.